Chapitre 14. Vision touchant la vie des apôtres et d'autres saints contemporains du Seigneur. Les récits qui suivent ont été empruntés par l'éditeur aux visions qu'Anne-Catherine avait tous les ans les jours où l'Église célébrait la fête de certains saints, ou bien à d'autres visions provoquées par des reliques qu'on mettait près d'elle. Il est à remarquer que dans ces occasions elle voyait ordinairement toute la vie du saint, non sous forme de scènes détachées, se succédant chronologiquement et suivant un ordre déterminé, mais dans de grands tableaux où l'ensemble de cette vie se présentait dans un seul cadre et où, par conséquent, il n'y avait aucune distinction de temps. Chaque fois qu'elle avait de ces visions, elle en racontait tout ce qu'elle pouvait, suivant l'état où elle se trouvait dans le moment. Mais elle le faisait à la manière d'un enfant qui, se trouvant devant un grand tableau, en a reçu une impression assez profonde pour sentir et comprendre ce qui est représenté, mais ne peut que très difficilement l'analyser et le décrire à une autre personne qui ne voit point ce tableau. Elle retenait certains détails et les racontait sans s'attacher à l'ordre dans lequel les événements s'étaient succédés chronologiquement et sans pouvoir en rendre compte. La chose ne lui était possible que lorsque des chiffres indiquant la suite des temps lui étaient montrés dans la vision, mais cela n'arrivait pas toujours. Sainte Anne, Marie d'Élie, Marie de Cléophia et leur famille. Anne-Catherine avait souvent désigné une relique anonyme provenant d'une vieille croix de son ancien monastère comme étant un osme de Marie de Cléophas. Un jour le pèlerin retira, sans qu'elle le sût, cette relique de la croix où elle était renfermée, l'enveloppa dans un morceau de linge ou de papier et la présenta à Anne-Catherine. Elle ne tarda pas à dire, « Ce doit être un ossement très ancien, provenant d'une personne née avant Jésus et ayant fait partie de son entourage. » Elle garda la relique près d'elle pendant la nuit suivante et le lendemain elle dit au pèlerin, « C'est un ossement de Marie de Cléophas. » Elle m'est apparu plus distinctement qu'elle ne l'avait jamais fait et m'a dit, « C'est un fragment de l'os de ma jambe. » Je vis de nouveau que Joachim et Anne, au commencement de leur mariage, environ 20 ans avant la naissance de la Vierge, eurent une fille appelée Marie d'Élie, qui n'était pas l'enfant de la promesse et qui, à cause de cela, fut un peu tenue à l'écart par eux. Ils laissèrent cet enfant chez ses grands-parents à Séphorie et commencèrent à Nazareth une vie nouvelle consacrée à la pénitence et au retrait. Anne elle-même était une enfant venue au monde après une longue stérilité. Ses parents avaient longtemps demandé à Dieu et la naissance avait été annoncée d'avance à sa mère par des prophètes esséniens. Elle fut conduite au temple dans sa 4e année. Je la vis après la mort de sa mère revenir chez son père et tenir la maison de celui-ci. Elle trouva chez lui un jeune neveu nommé Lien qu'elle éleva et qui plus tard devint le mari de la veuve de Naïm. Six prétendants recherchaient la main d'Anne. Elle les refusa tous d'après les conseils inspirés des vieux prophètes esséniens pour épouser Joachim, qui devait être le père de Marie. Anne avait environ 20 ans quand elle se maria. Sa sœur, la mère des liens, pouvait être plus âgée de 18 ans. La première fille qu'Anne mit au monde lui causa une grande tristesse, car elle ne portait pas les signes annoncés et par conséquent n'était pas l'enfant de la promesse. Anne était accouchée avant terme, ce qui l'avait fort affligée, car elle croyait voir là une punition de Dieu. Une de ses servantes s'était mal conduite et Anne avait été fort tourmentée de ce qu'un pareil scandale avait eu lieu parmi ses gens. Elle reprocha si sévèrement sa faute à cette servante que celle-ci accoucha avant terme d'un enfant mort. Anne fut inconsolable et la même chose lui arriva. Son enfant vécut. Anne resta si longtemps stérile après sa naissance qu'on répandit le bruit calomnieux que cette fille n'était pas sa fille. Elle subit ainsi la honte qui s'attachait à la stérilité. Elle eut un jour à essuyer à ce sujet les injures d'une servante qui lui reprocha aussi le malheur dont elle avait été la cause. Alors, Anne dans sa profonde affliction, se mit en prière et obtint de Dieu la très sainte Vierge. Lorsque Marie mit au monde le Sauveur, Anne était remariée à un homme du nom d'Élien, lequel était employé au service du temple, où il était chargé de l'inspection des victimes destinées au sacrifice, et elle en avait une fille, qui s'appelait aussi Marie et qui pouvait alors avoir 8 ans. Elle eut de son 3e mari un fils, qui fut souvent appelé le frère de Jésus-Christ. il y avait un mystère lié au triple mariage d'Anne. Elle n'agit en cela que par ordre de Dieu. La grâce qu'il avait rendue féconde en lui faisant enfanter Marie n'était pas entièrement épuisée. C'était comme une bénédiction qui ne devait pas être perdue. Lorsque Marie d'Élie eut environ 16 ans, elle fut mariée à Cléophas, un des bergers en chef de Joachim. Celui-ci amena dans la maison conjugale une fille illégitime appelée Anne de Cléophas qui plus tard, étant veuve, se réunit à Marthe. Elle avait trois fils, l'un desquels appelé Nathanaël, fut un disciple du Seigneur connu sous le nom du petit Cléophas. Marie d'Élie eut de son mari Cléophas trois fils, nommés Jacob, Sadoc et Eliasim, qui devinrent disciples de Jean, et une fille nommée Marie de Cléophas. 4 ans après la naissance de cette petite fille, Anne mit au monde la très sainte Vierge, que j'ai vue encore cette nuit, jouer, tout enfant, avec Marie de Cléophas, sa nièce plus âgée qu'elle. Pendant que la mère de Jésus résidait au temple de Jérusalem, Marie de Cléophas épousa un berger de Joachim nommé Alphée, lequel n'était plus jeune. Il avait au moins 30 et quelques années. C'était un veuf. Il avait, de son premier mariage, un fils qui fut plus tard l'apôtre Matthieu, et une fille du nom de Marie, qui épousa un employé inférieur de la douane à Corouzin. Celui-ci quitta son emploi aussitôt après avoir reçu le baptême de Jean, et se rendit à la pêcherie près de Pierre l'une des barques, lorsque Jésus vint. J'ai vu cette nuit les noces d'Alphée et de Marie de Cléophas. C'était dans un petit endroit peu éloigné de Nazareth où demeuraient le père et la mère de la fiancée. Il y avait bien autant de monde qu'aux noces de Cana. Je vis entre autres personnes le père d'Alphée, un petit vieillard courbé, à longue barbe, qui était des environs de Bethléem, qui s'appelait Solano ou Solama. Je vis quelque chose touchant ce Solano, en regardant du côté de Bethléem. Je le vis dans les environs de Bethléem, sur un petit bien qui originaire me dépendait de la maison qu'avaient habité les parents de Saint-Joseph. Je vis la généalogie de Solano en remontant jusqu'à l'époque d'Abraham. Je vis la race à laquelle il appartenait se développer à côté de celle dont devait sortir Jésus selon sa nature humaine, sans pourtant jamais y entrer. Elle y tenait par des branches collatérales, mais restait toujours vis-à-vis d'elle dans un certain rapport de subordination et de dépendance. Je vis Abraham agenouillé sur une colline voisine de son habitation, et de l'autre côté de cette colline, je vis la cabane de l'ancêtre de cette race, qui était le serviteur fidèle et l'homme de confiance d'Abraham. Il était aussi à genoux et priait. Abraham priait pour Sodome et pour Lot et je vis dans le lointain le danger qui menaçait Sodome. Cet homme était le père de Eliézer, ce serviteur d'Abraham à qui il fit mettre la main sur sa hanche et jurer qu'il irait dans le pays natal du patriarche chercher une femme pour Isaac. Cette race s'allia fréquemment à celle de Jésus par des branches collatérales du second et du troisième degré, et elle fut toujours dans une certaine dépendance de celle-ci quant à ses champs et à ses possessions. Le premier auteur de cette famille était resté avec Abraham lorsque Lot se sépara de lui, et sa fidélité fut récompensée dans la personne d'Alphée, qui fut toujours vis-à-vis de Joachim dans les mêmes rapports que son ancêtre vis-à-vis d'Abraham. Ce fut ainsi que les fils d'Alphée arrivèrent à être pour Jésus, dans le sens spirituel, comme des messagers, des bergers, des préposés à la garde de son troupeau. Alphée était un homme très laborieux et très serviable. Le premier fils, né de son mariage avec Marie de Cléophas, fut Juthadée qui était un peu plus âgé que Jésus-Christ. Simon de Cana vint ensuite. Celui-ci était d'une taille élancée et avait, dans son extérieur, quelque chose de Jean. Ensuite vint une fille qui portait aussi le nom de Marie. Elle fut mariée à un serviteur du temple, l'un des 24 qui était chargé de nettoyer les vases où coulait le sang des victimes. Il s'appelait David et demeurait à Jérusalem. Il habitait une maison attenante au temple, et il ne lui était permis qu'à certaines époques de passer 8 jours près de sa femme. Pendant ce temps, un autre le remplaçait au temple. Avant de reprendre son service, il était obligé de se soumettre à certaines purifications. C'était un juif très pieux, mais observateur fort strict de la loi, et il se scandalisait de ce qui lui paraissait irrégulier dans la manière d'agir de Jésus et des disciples. Il avait des relations avec Nicodème par l'intermédiaire duquel il fut amené à la foi et agrégé à la communauté chrétienne. Marie, sa femme, s'y était déjà adjointe avant lui. Je la vis souvent, ainsi que sa demi-sœur, dans la compagnie des dévotes femmes. Je la vis aussi se mettre au service de la Vierge à une époque où celle-ci se trouvait dans une position très pénible. Le quatrième enfant que Marie de Cléophas eut d'Alphée fut Jacques le Mineur. Il était très beau et ressemblait beaucoup à Jésus. C'était pour cela qu'on lui donnait plus ordinairement qu'à ses frères le nom de frère du Seigneur. Il était plus jeune que Jésus. À l'époque du crucifixion, il avait environ 25 ans. Alphée mourut 14 ans avant la mort du Seigneur. Après lui, Marie de Cléophas eut pour mari Saba, dont elle José Bersaba. Celui-ci fut sacré évêque d'Éleutéropolis. Il assista à la mort de Marie à la place de Jacques le Majeur, qui avait été martyrisé. En sa qualité d'évêque, il ordonna prêtre les fils des alliés de Jésus aux Bacéphories. Il a incroyablement souffert au milieu de son troupeau, où il était exposé sans défense à la haine des Juifs. Il mourut crucifié à un arbre. Son père avait des rapports de parenté avec ces gens du Bacéphorie qui recommandèrent leur fils à Jésus. C'est pourquoi ils parlèrent de lui dans cette circonstance. Après la mort de Marie, il fut souvent le compagnon de Paul. Il alla notamment à Éphèse avec lui. Il lui raconta toutes les circonstances de la mort de Marie et le conduisit à sa maison et à son tombeau. Avant de devenir évêque, il résida encore un certain temps à Jérusalem près de son frère Jacques le Mineur, qui l'instruisit de beaucoup de choses. Le troisième époux de Marie de Cléophas s'appelait Jonas. Il était frère de la femme de Pierre et il fut le père de Siméon, évêque de Jérusalem. Siméon fut le second évêque de Jérusalem et il fut mis en croix dans un âge très avancé. C'était un parent de Jésus. Il portait encore un autre nom, celui de Juste, et dans sa jeunesse on le nommait Siméon. Ce Siméon est un fils de Marie de Cléophas, qui est fille de la sœur aînée de la mère de Jésus, et de son mari Cléophas. Il avait environ 10 ans lors du crucifixion du Christ. Sa mère mourut dans la détresse 5 ans après le crucifixion. Je la vis errer dans la contrée où était la grotte qu'habita Madeleine, pendant tout le temps qu'elle resta encore dans la terre promise. Siméon dans sa jeunesse était tantôt avec un disciple, tantôt avec un autre. Il n'avait pas de résidence fixe. Il m'a été dit de lui qu'il avait grandi dans la croix et qu'il était mort sur la croix. À l'époque de la mort de sa mère, il était avec le disciple Sélam. Il ne devint pas évêque aussitôt après le martyre de Jacques le Mineur. Pendant la vacance du siège qui fut très longue, l'église de Jérusalem eut à sa tête un vicaire administrateur. Lorsqu'on lapida Jacques, il y eut des troubles dans la ville, car ses partisans résistèrent, et il périt 3 disciples, parmi lesquels se trouvait un fils du vieux Siméon, qui avait prophétisé lors de la présentation de Jésus au temple. Saint Pierre. J'ai appris beaucoup de choses sur Saint Pierre, sa belle-mère malade et Sainte Pétronille. Ce fut une chose étrange. Je vis venir à moi de ma petite armoire un esprit sous la forme d'un vieillard. Il me raconta beaucoup de choses qu'il paraissait savoir comme s'il eût été présent lorsqu'elles s'étaient passées. C'était Saint Pierre lui-même dont il y avait une relique dans l'armoire en question. Il me fit une longue exhortation et me donna des règles de conduite que je ne veux pas dire, de peur qu'elles ne m'attirent des reproches. Le père de Pierre avait laissé sa maison à celui-ci. Après la mort de sa femme, il était allé s'établir dans un autre endroit au bord du lac, et André l'avait suivi. Une nièce tenait son ménage. André était l'aîné de Pierre et moins ardent que lui. Il était plus facile à vivre. Plus André se maria et alla s'établir dans une autre maison, à Bethsaïde. Une personne âgée était restée avec Pierre et tenait son ménage. Elle était très diligente et très patiente, mais elle était malade et souffrait d'une perte de sang. Quand on suivait la route qui allait de Jérusalem à la rive occidentale du lac, on passait par Capharnaüm avant d'arriver à Bethsaïde. Capharnaüm n'était pas au bord même du lac, mais à quelque distance sur la rive occidentale d'une rivière qui s'y jetait. En suivant la rivière de ce côté, on n'avait pas loin à aller pour arriver à Beit Saïd, qui n'était pas non plus tout au bord du lac. Il y avait plusieurs pêcheries sur le lac, qui en cet endroit paraissaient sujets à des débordements. On rencontrait aussi dans les intervalles des jardins, des champs et plusieurs ruisseaux qui se jetaient dans le lac. Avant d'arriver de Capharnaüm à Beit Saïd, on trouvait le long du cours d'eau peu important une rangée de petites maisons qui formaient comme un village en avant de Beit Saïd. C'était là qu'était allé le père de Pierre avec sa nièce, qui avait déjà demeuré avec lui à Capharnaüm. André aussi y résida un certain temps, mais après son mariage, il habita Beit Saïd. Pierre vécut 3 ans dans le célibat. Ensuite il épousa la veuve d'un pêcheur du village voisin de Beit Saïd. Celle-ci ne pouvant plus diriger ses affaires à elle seule, vint habiter la maison paternelle de Pierre, tandis que Jouas, père de Pierre, alla occuper avec André et sa nièce la maison que quittait cette veuve. Je vis chez Pierre 2 petits garçons et une jeune fille qui étaient des enfants amenés par sa femme. Quant à lui, il n'avait pas d'enfants. Pierre me raconta beaucoup de choses touchant la maladie de sa belle-mère. Il me dit qu'elle s'était entièrement remise entre les mains de Dieu, auquel elle ne demandait rien. J'eus aussi une vision, où je vis Jésus se rendre dans la maison de Pierre avec quelques disciples et la guérir. Il ne la guérit pas sur le champ, et elle ne lui adressa aucune prière. Elle avait déjà beaucoup entendu parler des guérisons qu'opérait Jésus, mais sans rien désirer pour elle-même. Seulement, elle s'était réjouie de ce que Pierre s'était mis en rapport avec lui. La maison de Pierre était en assez bon état, mais elle était vieille et adossée à une espèce de terrassement. Elle était entourée d'une cour fermée. Il y avait devant, près de l'entrée, une pompe qui ne s'élevait pas à hauteur d'homme. En posant le pied sur quelque chose, on faisait jaillir l'eau par en haut de tous les côtés. Tout auprès de la maison se trouvait un réservoir assez grand où on descendait par des marches de gazon. J'y ai vu beaucoup de poissons. C'étaient d'autres poissons que ceux de notre pays. Ils avaient de très grosses têtes. De l'autre côté de la maison était un jardin avec des herbes de toute espèce. Il y avait aussi des fleurs. Ce fut dans la première année de la prédication de Jésus-Christ que je le vis guérir la belle-mère de Pierre. Pierre n'avait pas encore quitté sa maison, mais André lui avait déjà fait connaître Jésus. On a coutume de dire que Pierre a tout quitté sur le champ pour suivre le Seigneur. Il m'a dit lui-même qu'il était auparavant allé chez son père et lui avait annoncé sa résolution. Jésus avait déjà fait plusieurs miracles dans le pays. Il n'avait pourtant pas encore guéri la belle-mère de Pierre. Elle avait entendu parler de ces miracles, s'était réjouie de cela, et avait appris avec plaisir les rapports de Pierre avec lui, mais elle avait continué à souffrir patiemment sans rien demander. Je vis Jésus entrer dans la maison avec quelques disciples. Pierre entra avec lui. Je vis la femme de Pierre. Elle était plus âgée que lui. Elle avait tout l'extérieur d'une juive de l'ancien temps. Je ne vis pas Jésus aller près de la malade. Il marcha avec Pierre autour de la maison. Je vis les 3 enfants courir près d'eux. Je vis aussi que les autres apôtres va dîner avec ses enfants et appelait la petite fille Pétronille. J'eus une autre vision où il me fut montré comment cette Pétronille souffrit le martyre, après avoir très activement travaillé à propager le royaume de Jésus-Christ. Thècle, Agathe et elle ont été les plus héroïques d'entre les martyrs. J'ai su cela dans une vision particulière. Lorsque je vis que Jésus ne guérissait pas la belle-mère de Pierre à laquelle je m'intéressais beaucoup à cause de ce que Pierre m'en avait dit et de sa grande patience, je fus tout contristé. Je vis faire les apprêts d'un repas. La table était une pièce de bois assez basse. On mit dessus des petits pains, des herbes vertes qu'on servit comme lorsqu'on apporte du cresson dans un pot, du miel en grandes tablettes découpées en forme d'étoile, et, enfin, du poisson. Il y avait avec cela des flacons et de petites coupes dans lesquelles les convives burent debout. Ensuite ils se mirent à table et tout se passa fort tranquillement. Pendant le repas, ou plutôt lorsqu'ils eurent bu, Jésus alla dans la chambre de la malade. Sa couche était une espèce de pierre peu élevée adossée à la muraille. Il y avait devant quatre morceaux de bois fichés en terre soutenant un clayonnage flexible, qui empêchait que rien ne tombât, et qui avait légèrement cédé à l'endroit où le coude s'appuyait. La malade avait sous elle des coussins, et sur elle des couvertures de laine blanche très mince. Ce fut André qui accompagna Jésus près d'elle. Elle était couchée je visage contre le mur et ne se retourna pas quand ils entrèrent. Jésus l'appela par son nom. Alors elle tourna un peu la tête vers lui. Il lui tendit la main et elle avança un peu la sienne comme une personne très affaiblie par la maladie. Jésus se baissa vers elle comme pour lui parler ou souffler sur son visage, et alors elle se mit sur son séant. À sa droite était un vêtement d'étoffe rayée que Jésus lui jeta sur les épaules. Elle attacha un bandeau autour de sa tête et se leva en rabattant sur elle le vêtement qui était sur ses épaules, puis, descendant de sa couche, elle suivit Jésus. Je ne l'ai vu ni s'agenouiller, ni remercier avec vivacité, ni témoigner sa reconnaissance par de vives démonstrations. Elle marcha tranquillement à la suite de Jésus, entra après lui dans la salle à manger où Pierre l'embrassa et se mit à servir les convives. Les autres femmes qui étaient dans une autre chambre ne demandèrent que plus tard à la voir. Pierre délivré d'eux et sa prison par un ange. Je vis Saint Pierre dans une prison assez spacieuse. Il était couché et dormait entre deux soldats, qui dormaient eux-mêmes couchés à quelque distance de lui. Il était étendu sur le côté le long du mur, ses pieds étaient retenus dans un bloc de bois et ses poignets passés dans des chaînes attachées aux bras des deux gardes, qui dormaient à droite et à gauche. Je vis une lumière éclatante, et dans cette lumière un ange, qui descendait d'en haut. C'était une apparition semblable à celle de mon guide. L'ange secoua Pierre qui se réveilla. Les chaînes s'étaient détachées de ses mains à droite et à gauche, elles étaient tombées sans bruit et sans mouvement apparent et elles avaient conservé la même position que lorsqu'il les avait aux mains. L'ange lui dit quelque chose, alors Pierre retira ses pieds du bloc de bois sans l'ouvrir, chaussa ses sandales qui l'y attachaient autour de ses jambes, se leva, serra sa ceinture sur sa large robe, mit sur ses épaules son manteau qui lui avait servi de couverture et suivit l'ange, qui passait devant lui par la porte qui resta fermée. C'était comme s'ils aient passé au travers. Ils traversèrent plusieurs pièces où se tenaient des soldats qui veillaient, mais qui ne les virent pas. Enfin ils arrivèrent à une grande porte de fer qui s'ouvrit devant eux. Pendant tout ce temps je ne vis autour d'eux que ce qu'il fallait de lumière pour éclairer l'endroit où ils marchaient. Ils descendirent une rue, alors l'ange disparut et je vis Pierre saisi d'étonnement. Il avait cru jusque-là que tout cela se passait en rêve, mais alors il se rendit compte de tout et vit qu'il se trouvait réellement en liberté. Il passa par une porte, franchit un petit cours d'eau et sembla sortir de la ville, ce dont je ne suis pas bien sûr, car à Jérusalem il y avait plusieurs séparations entre les collines sur lesquelles s'élève la ville. Quoi qu'il en soit, je vis que la maison de la mère de Jean-Marc n'était pas dans la ville proprement dite, mais à part et devant une porte. Je vis dans cette maison beaucoup de fidèles et de disciples rassemblés qui priaient dans une salle, sous une lampe allumée. Ils avaient grand soin de ne faire aucun bruit qui pût les trahir et gardaient un silence presque absolu. Des péridots étaient tendus devant les fenêtres de la maison pour empêcher de voir la lumière. Je vis Pierre frapper à la porte du vestibule. Une servante vint voir qui c'était et Pierre lui dit d'ouvrir. Mais elle rentra en courant et dit aux autres, toutes joyeuses, que l'apôtre était là. Ceux-ci ne voulaient pas la croire. Je vis alors Pierre frapper de nouveau. Plusieurs d'entre eux vinrent lui ouvrir. Il entra et ils l'embrassèrent plein de joie. Mais il ne s'arrêta pas longtemps avec eux, il leur fit signe de rester calme et raconta en peu de mots ce qui lui était arrivé. Puis il sortit de la maison et alla plus loin. Je vis aussi qu'il existe encore à Rome une église où des chaînes sont suspendues dans une châsse. Les anneaux sont ronds. Je n'ai rien vu là du bloc de bois où les pieds étaient retenus, ni des serrures qui les fermaient et qui étaient autrement faites que celles des menottes. Je crois avoir vu une fête où on baisait ces chaînes, mais je ne m'en souviens plus très bien. Saint Pierre à Rome. Ce fut en hiver, le 18 janvier de l'an 44, que Pierre arriva à Rome avec trois compagnons, deux disciples, Martial et Apollinaire, et un serviteur nommé Marcion. Il était allé d'abord d'Antioche à Jérusalem, où il vivait une persécution. Il s'était rendu de là à Naples et dans plusieurs autres endroits, puis enfin à Rome. Je vis que Lentulu, qui avait été informé de l'arrivée de Pierre, vint à sa rencontre sur le chemin. Il l'emmena, lui et ses compagnons, dans sa maison où il leur offrit l'hospitalité d'une façon toute patriarcale, leur leva les pieds, leur donna de nouveaux vêtements et les hébergea. Cependant, ils allèrent loger dans une autre maison. Plus tard, ils demeurèrent chez un homme nommé Pudin, dont la maison devint la première église de Rome. Lentulu contribua largement aux dépenses faites à cette occasion. Ce Lentulu était un des personnages les plus considérables de Rome. Il était marié et avait une douzaine d'enfants. Il avait ressenti un attrait extraordinaire pour Jésus-Christ. Plusieurs Romains étant allés au baptême de Jean avaient entendu parler du Messie, de l'Esprit-Saint qui était descendu sur lui et des prodiges qu'il avait opérés. Lentulu recherchait avec grand soin ceux qui étaient dans ce cas et se faisait raconter par eux ce qu'il savait. Ses affaires l'empêchaient d'entreprendre le voyage de Judée. Mais quand il arrivait des navires venant de ce pays, il interrogeait les passagers pour avoir des informations sur Jésus. Il se prit ainsi de loin d'une telle affection pour Jésus qu'il chargea quelqu'un de se glisser dans la foule auprès du Seigneur et de lui faire toucher un suaire de très belle étoffe. On lui envoya ce suaire qu'il reçut avec un grand respect et qu'il conserva précieusement. Les gens riches de cette époque avaient pour s'essuyer le visage des pièces d'une étoffe de laine très fine qui ne se salissait jamais. Je vis qu'on fit toucher le suaire de Lentulu aux vêtements de Jésus la première fois qu'il vint près du Jourdain après l'emprisonnement de Jean. Il ne sembla pas s'en apercevoir. Je vis Lentulu profondément ému lorsqu'il reçut ce linge. L'amour que ce païen ressentait de si loin pour Jésus me toucha tellement que je ne pus m'empêcher de pleurer. J'ai vu encore que Lentulu désirait ardemment de faire le portrait de Jésus et qu'il se fit donner à cet effet beaucoup de détails par Pierre. Il essaya plusieurs fois, mais Pierre, en voyant ses ébauches, disait toujours que ce n'était pas encore ressemblant. Enfin Lentulu s'étant endormi en priant, je vis une apparition du Sauveur porter le suaire à son visage et y laisser l'empreinte de sa face que Lentulu trouva à son réveil. J'ai l'idée que ce portrait existe encore et qu'il a opéré autrefois beaucoup de miracles. Lentulu fit encore des représentations d'autres objets qu'il s'était fait décrire, par exemple de la grotte des Lys sur le mont Carmel. Il fut l'un des premiers qui se firent chrétiens à Rome. J'ai vu souvent trois images miraculeuses de Jésus. J'ai vu tout cela beaucoup plus clairement quand j'avais 9 à 10 ans. Le suaire de Véronique est passé à Thaddée, qui s'en est servi pour opérer des miracles à Édesse et ailleurs. Il est maintenant dans une ville où se trouve un des linceuls de Jésus-Christ, c'est à Turin. Le portrait de Lentulu se trouve à Pérouse, où il y a encore deux des linges qui ont servi à ensevelir Jésus et où on conserve dans une belle église l'anneau nuptial de Marie, derrière une grille fermée par plusieurs serrures. Les gens pieux qui se marient font toucher leurs anneaux à ces serrures. Cet anneau est très large, il y a en haut et en bas un rebord. Il n'est ni d'or ni d'argent, il est de couleur sombre avec des reflets chatoyants. Des lettres et des signes sont gravés autour. Le suaire qui est à Rome est un linge qui a servi à envelopper ceux sur lesquels Jésus fut déposé pour être embaumé et sur lequel son visage s'est imprimé miraculeusement. En le comparant avec l'autre, on l'a trouvé parfaitement semblable. Un linceul de Jésus vint en la possession d'un disciple de Jérusalem qui était au temple. Il tomba plus tard dans les mains des Juifs. Ils essayèrent de le brûler, mais je vis le linceul s'envoler en l'air. Je vis toute une histoire à ce sujet. Il y eut un évêque de Syrie qui eut à son sujet beaucoup de contestations avec les Juifs et qui finit par en rester possesseur. Je crois avoir une relique de cet évêque. Pierre est arrivé à l'âge de 99 ans, il mourut en 69, occupa 7 ans le siège d'Antioche et 25 ans celui de Rome. Il fut à Jérusalem en l'an 43, il alla de là à Rome et y fonda l'église romaine. Il se rendit ensuite à Éphèse pour assister à la mort de Marie, puis il retourna à Rome en passant par Jérusalem. Pierre alla 3 fois à Joppé. La première fois il s'y rendit en venant de Samarie, où il s'était mis en rapport avec Simon le magicien. Il revint de là à Jérusalem à l'occasion des réclamations qui s'étaient élevées touchant la distribution des aumônes, et il institua les diacres. Il fut reconnu comme chef suprême de l'Église et revint à Sarona et à Jopé. Lorsque les femmes se plaignirent d'Étienne à l'occasion du pain moisi, il vint encore à Jérusalem d'où il retourna à Jopé. Il y ressuscita Tabith et vit la vision où un grand linge contenant des aliments de toute espèce lui fut montré. À cette époque, Jacques le Majeur se mit en rapport à Samarie avec deux magiciens, qu'il convertit et qui guérirent ensuite au nom de Jésus, comme ils avaient cherché à le faire auparavant au nom du démon. L'un d'eux s'appelait Hermogène. Saint André. J'ai vu la vie de l'apôtre Saint André et reconnu une relique provenant de lui. J'ai vu aussi une fête de l'Église en son honneur, à laquelle assistaient tous les apôtres, ainsi que la mère de Jésus et Madeleine. Marthe n'y était pas. Je le vis après la mort de Jésus parcourir la Grèce et l'Asie et aller continuellement d'un lieu à l'autre en opérant partout des miracles. Il était plus âgé et moins grand que Pierre. Sa taille était ramassée. Ses manières simples, franches et ouvertes. Ses qualités dominantes étaient la sincérité et la libéralité. Il avait la tête chauve, sauf quelques mèches de cheveux blancs comme la neige sur les côtés. Son menton aussi était garni de deux mèches blanches assez courtes. Il avait une femme et quatre enfants, deux garçons et deux filles, mais à dater du moment où Jésus l'appela à sa suite, il vécut dans la continence la plus absolue. Il fut le premier des apôtres qui renonça à tout ce qu'il possédait et aucun d'eux n'a si promptement et si scrupuleusement donné et distribué tout son bien au profit de la communauté. Cela eut lieu lorsque Jésus congédia ses apôtres pour quelque temps, lors du voyage qu'il fit avant sa mort, en Arabie et en Égypte. Lorsqu'André partit pour ses voyages apostoliques, sa femme habita d'abord à Béthanie. Ensuite elle alla dans les environs d'Éphèse, à une certaine distance de l'habitation de la Vierge. Plus tard j'ai vu presque toujours les enfants des apôtres parmi les disciples et en général assistant les apôtres. André n'était pas proprement un pêcheur comme son frère. Il était plutôt l'administrateur d'une pêcherie qu'il tenait à faire, mais sa maison était au centre de Bethsaïde, tandis que celle de Pierre était à l'extrémité de la ville tout au bord de l'eau. Je vis André et Saturnin avec Jean le Baptiste. Je vis Jean parler de Jésus qui passait à une certaine distance, sur quoi André et l'autre disciple s'étant entretenus quelques moments avec Jean, le quittèrent pour aller à Jésus qui venait vers eux de l'autre côté du chemin. Il leur demanda qui ils cherchaient et leur permit de le suivre. Quant aux divers événements de la vie de Saint André et des miracles opérés par lui, Anne-Catherine ne raconta que le peu qui suit. Je vis André en Achaïe, en même temps que Matthieu était prisonnier dans une ville éloignée avec des disciples et une soixantaine d'autres personnes. On avait mis du poison dans les yeux de Matthieu, ce qui le faisait beaucoup souffrir. Ses yeux étaient très rouges et très enflés et il n'y voyait plus. Cependant on ne les avait pas crevés. Cette ville était au sud-est de Jérusalem, de l'autre côté de la mer Rouge, en Éthiopie. Elle était située au bord d'une rivière qui était fort grande pour un pays de montagne. Les habitants de cette contrée sont tous noirs, mais il y a pourtant une partie du pays où ils sont blancs. Cette partie est comme une enclave. André reçut dans une vision l'ordre de se rendre auprès de Matthieu. Il monta sans être connu sur un navire où se trouvaient beaucoup de passagers et dont la marche fut très rapide. Ensuite il voyagea par terre et je les vis suivre alternativement les deux bords de la rivière près de laquelle la ville était située. Quand il y fut arrivé, il guérit Matthieu, fit tomber ses chaînes et celles de ses compagnons de captivité et prêcha l'évangile. Au commencement tout alla bien. Mais ensuite les habitants excités par une méchante femme se saisirent d'André et le traînèrent à travers la ville, après lui avoir lié les pieds. André pria pour ses bourreaux. Ils furent touchés, lui demandèrent pardon et se convertirent. Il revint ensuite en Achaïe. Je le vis guérir un possédé aveugle et ressusciter un enfant égyptien. Un jeune homme que sa mère dénaturée excitait à commettre un inceste avec elle et qu'elle avait accusé devant le proconsul à cause de son refus de consentir à ce crime, se réfugia auprès de lui. André et le jeune homme prièrent. L'apôtre fit faire à celui-ci le vœu de jeûner un certain temps, et ils allèrent ensemble au tribunal. La mère fut frappée de la foudre et le jeune homme, mis en liberté, jeûna pendant plusieurs jours. André alla aussi à Nicée, où il chassa des sépultures de la ville sept esprits impurs, qui aboyaient comme des chiens. Il établit là un évêque, qui était des environs de Cédar. Il ressuscita un enfant mort à Nicomédie. Il apaisa une tempête sur l'Hellespont. Les sauvages habitants de la Thrace voulurent le faire périr, mais effrayés par une éclatante lumière céleste qui l'environna, ils se prosternèrent la face contre terre. Je vis encore l'histoire d'une pécheresse convertie appelée Trophima, contre laquelle aucune force humaine ne pouvait rien lorsqu'elle portait sur sa poitrine le livre des évangiles. Je vis aussi une fois André exposé aux bêtes, puis rendu à la liberté. Quant au martyr qui termina sa vie, son juge s'appelait Géa. La croix à laquelle il fut attaché avait cette forme plus grand que I,